Nos destins ténébreux vont sous de lois immenses que rien ne déconcerte et que rien n'attendrit. Vous ne pouvez avoir de subite clémence qui dérange le monde. Ô Dieu, tranquille esprit, je vous supplie, ô Dieu, de regarder mon âme et de considérer qu'humble comme un enfant et doux comme une femme, je viens vous adorer. Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mère, je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts. Je me sens éclairé dans ma douleur amère par un meilleur regard jeté sur l'univers. Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire s'il ose murmurer. Je cesse d'accuser, je cesse de maudire. Mais laissez-moi pleurer. Hélas, laissez les pleurs couler de ma paupière, puisque vous avez fait les hommes pour cela. Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre et dire à mon enfant, « Sens-tu que je suis là ?» Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes, le soir, quand tout se tait, comme si dans sa nuit, rouvrant ses yeux célestes, cet ange m'écoutait. Hélas, vers le passé, tournant un œil d'envie, sans que rien ici-bas puisse m'en consoler, je regarde toujours ce moment de ma vie où je l'ai vu ouvrir son aile et s'envoler. Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure. L'instant, pleur superflu, où je criais, l'enfant que j'avais tout à l'heure, quoi donc, je ne l'ai plus. Ne vous irritez pas que je sois de la sorte, ô mon Dieu. Cette plaie a si longtemps saigné. L'angoisse dans mon âme est toujours la plus forte, et mon cœur est soumis, mais n'est pas résigné. Ne vous irritez pas, front que le deuil réclame, mortels sujets aux pleurs, il nous est malaisé de retirer notre âme de ces grandes douleurs. Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires, Seigneur. Quand on a vu, dans sa vie, un matin, au milieu des ennuis, des peines, des misères, et de l'ombre que fait sur nous notre destin, apparaître un enfant, tête chère et sacrée, petit être joyeux, si beau qu'on a cru voir s'ouvrir à son entrée une porte des cieux. Quand on a vu, 16 ans, de cet autre soi-même croître la grâce aimable et la douce raison, lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime fait le jour dans notre âme et dans notre maison, que c'est la seule joie ici-bas qui persiste de tout ce qu'on rêva, considérez que c'est une chose bien triste de le voir qui s'en va.